On de la D, ça la papi. Un 3 sec, yeah. Joule, 1. Écoute quand je rentre sur ce son, je pas le mec au béton. Tiens la sacoche, remplis mes spas à toi mon garçon. Vas-y bouge ton boule la mise, tiens-moi toute la nuit. Je suis désolé de t'avouer que je suis en chien toute l'année. Mes potes sont condamnés, les sauts de la gratte pour le monde à cash. On parle pas trop, même à ta soeur, même si elle a le boule à tabata cash. Avec les filles qu'on joue à cache-cache, on veut tous des sous et cache-cache. Et là je me rappelle cet été quand ça chargeait les pactages. Et tu connais la loi, madame la juge, moi j'ai fétiche. L'erreur est humaine, fais-moi rentrer ou mets-moi tes tiges. Et les petits cherchent des stunts pour les prendre en poussette. Ils me disent elle, rien qu'elle me chauffe, elle va se prendre un coussette. Écoute quand je rentre sur ce son, fais pas le mec au béton. Tiens la sacoche, remplis mes spas à toi mon garçon. Vas-y bouge ton boule la mise, tiens-moi toute la nuit. Je suis désolé de t'avouer que je suis en chien toute l'année. Mes potes sont condamnés, les sauts de la gratte pour le monde à cash. On parle pas trop, même à ta soeur, même si elle a le boule à tabata cash. Avec les filles qu'on joue à cache-cache, on veut tous des sous et cache-cache. Et là je me rappelle cet été quand ça chargeait les pactages. Et tu connais la loi, madame la juge, moi j'ai fait. L'erreur est humaine, fais-moi rentrer ou mets-moi tes tiges. Et les petits cherchent des stunts pour les prendre en poussette. Ils me disent elle, rien qu'elle me chauffe, elle va se prendre un coup sec. Allez go, on va bouger toute la nuit. Loin du quartier, ses ennuis. Je vais mener la belle vie, sans qu'on puisse me rappeler tous ces mauvais souvenirs. Allez go, on va bouger toute la nuit. Loin du quartier, ses ennuis. Je vais mener la belle vie, sans qu'on puisse me rappeler tous ces mauvais souvenirs. Toi t'aimes bien m'écouter le soir, avec un bon pétard. Ta pute qui te mange le dard, tu te prends pour Pablo Escobar. Tu vends 2-3 barrettes, tu fais claquer le bingo. T'appuies sur la gâchette, tu baisses tes putes dans le Twingo. Et toi superficiel, que tu me critiques à ton copain. Et quand tu me croises seul, ben t'aimerais bien un petit câlin. Trop d'histoires de traîtres circulent dans les alentours. Les jaloux sont des frères, fais gaffe à qui tu dis bonjour. Et sérieux, vous êtes sérieux, sérieux de vraies femelles. Ça veut voler ta femme pour enfin trouver son hlel. Ici ce qu'on vit est triste, un peu comme un son d'opéra. Ici on vit la crise, les billets verts se font rares. Je vois les bouches faire des gâtés. Chez moi ça se fout des taquets, chez eux ça tape la coque. Et chez moi ça casse des portes. Aujourd'hui chez moi le bandit, je pense un peu plus au paradis. Tu fais le même pain de love mais t'as toujours pas un radis. Allez go, on va bouger toute la nuit. Loin du quartier, ses ennuis. Je vais mener la belle vie, sans qu'on puisse me rappeler tous ces mauvais souvenirs. Allez go, on va bouger toute la nuit. Loin du quartier, ses ennuis. Je vais mener la belle vie, sans qu'on puisse me rappeler tous ces mauvais souvenirs. On va bouger toute la nuit. Loin du quartier, ses ennuis. Je vais mener la belle vie, sans qu'on puisse me rappeler tous ces mauvais souvenirs. Allez go, on va bouger toute la nuit.